Bonjour, je suis allé voir comme ça, vite fait. Ben, j'ai lu, ce que je fais, c'est que je fais les commentaires les plus récents d'abord, puis je lis les plus récents. Je suis allé voir les réactions par rapport à l'entretien avec David. Puis, il y a deux commentaires là, que j'ai remarqués. Puis, je me disais, bon, il faudrait que je réponde. Mais je ne peux pas aller répondre sur la chaîne à David, je le fais jamais. Parce que je considère que je suis chez lui. Puis bon, c'est un peu à lui de gérer ça. Puis aussi, je veux pas non plus. Parce que vous savez, je vais être porté souvent à mes yeux, ce qui le plaît porter, c'est ce qui fait pas mon affaire, pas ce qui fait mon affaire. Mais bon, il y a deux commentaires qui sont absolument pas constructifs, d'ailleurs, très mal écrits, comme d'habitude. Mais c'est deux personnes que moi j'avais barrées sur ma chaîne. Puis ils peuvent pas s'empêcher de. Vous savez. Puis il y a des jeux de projection. Il y a des jeux de projection que je vois. Donc, il y a une dame qui dit perso de toutes les personnes que j'ai écoutées, BDM était celui qui avait la parole ajustée. Oui, une parole ajustée. L'intelligence, c'est froid, pas d'émotion. Ben oui, mais là, ça passe à travers des humains, faut pas oublier ça, hein. Donc, si on part de ce principe, beaucoup de gens n'ont pas la parole ajustée. Là, ça dépend. Parce que c'est fluctuant. Il y a des audios que j'ai fait, surtout qu'on ne me voit pas, là, que c'est juste un audio, que des fois, il y a des choses qu'au point où c'était tellement ajusté que je considère que ça ne vient même pas de moi. Bon, en tout cas, on voit qu'ils sont dans les frustrations, blablabla. Bla, bla. Bon. Moi, je pense que cette dame-là est frustrée. Pourquoi? Ben, parce que je l'ai barrée. Puis aussi, ben, moi, je la trouve nounoute. Je suis désolé de dire ça, là. Mais bon. Puis aussi, on voit que à Bernard, le phénomène, bon, au niveau de ce que c'est en privé, il y a peut-être des choses qu'il n'est pas au courant. La mère de mon père, elle a eu affaire à Bernard de Montréal à un moment donné. Puis il y a eu une grosse chicane. Mais là, c'est parce qu'elle voulait avoir son argent. Elle voulait avoir son argent. Bernard de Montréal, c'était un être humain, hein? C'était une personne aussi. Puis, ce qui reste après lui, puis il y a du monde qui l'ont idéalisé, puis ça ressemble pas mal à une secte. Moi, je considère des fois, c'est pas mal sectaire, puis bon, c'est rendu une icône. Puis, c'est quoi qu'il disait de plus important, Bernard, de pas le croire? Puis, on dirait que ça choque du monde, le fait que, dans le fond, il y a des choses, oui, quand c'est vérifiable, là, OK. Ou certains phénomènes qu'on peut étudier empiriquement soi-même, mais Bernard, je ne le crois pas. Comme par exemple, là, ça j'en ai souvent parlé, l'affaire les delphinoïdes qui allaient accompagner les initiés dans des centres sous-marins, puis les yétis dans l'Himalaya. À un moment donné, c'est parce que du monde sont un petit peu. Je peux pas me permettre de dire naïf parce que c'est pas ça. C'est pas ça, ils sont niaiseux dans le fond. Faut être un peu niaiseux, là. Croire à des affaires de même. Mais bon, que vous voulez que je vous dise? Puis, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre, donc? Ok. Là, elle dit, pour ce qui est de l'approche du mieux-être ou les jeunes naïfs, comment veux-tu brûler de la naïveté si tu n'en vis pas? La personne, elle comprend absolument pas ce que je dis. Puis c'est pour ça que je l'avais barré. Il n'y a pas le choix d'avoir des conflits. Parce que l'affaire, c'est pas que j'ai tort ou raison, c'est l'affaire premièrement. Faudrait au moins avoir la capacité de comprendre ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que pourquoi je vive une stase. Une stase, c'est-à-dire passer des fois 40 ans, 45 ans, puis qu'il n'y en a pas d'intégration. Oui, à un moment donné, la naïveté va se brûler, mais il y a moyen d'avoir une approche plus dynamique un peu. Donc, c'est une personne que j'avais barrée, mais pour être franc, je me souviens pas. Je me souviens pas des échanges. Puis ça, c'est un avantage que j'ai. Mais je me souviens de la vibration de la personne. Puis bon, je me souviens aussi qu'il y avait une incompréhension, puis que ça servait à rien. C'était une perte de temps, c'était une perte d'énergie. Puis, voyez, là, à tout prix, là, faut qu'elle retourne. Bon, ben, c'est correct, c'est correct. On verra bien. Ben, moi, je ne le verrai pas. Moi, je le verrai pas, mais on verra bien. Parce que je peux vous assurer que ça se pourrait qu'il y ait bien du monde qui seront plus là. Puis, pas chanceux comme je suis, je serai encore là. Je serai encore là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ah, un autre aussi, que lui aussi, je l'ai barré. Mais je me souviens pas pourquoi non plus. Encore un avantage. Puis là, il dit, ah, oh, faut pas s'astiner avec moi, ben, je tiens à avoir raison. L'affaire, c'est pas d'avoir raison, pas raison, c'est au niveau de ce qui est dit. Si on fait une observation, moi, je vais être franc avec vous autres, puis je l'ai tout le temps été franc. Par rapport à ce milieu-là, par rapport à ce milieu-là, puis même il y a des années, j'ai tout le temps dit la même affaire. Parce que quand on me demandait si je considérais que les gens étaient plus conscients dans ce milieu-là, j'ai toujours dit la même chose à mes yeux. Les gens dans ce milieu-là sont moins conscients que les gens en général, que la moyenne des gens. Puis, j'ai eu des échanges pour vrai avec ce milieu-là. J'ai eu des échanges pour vrai avec ce milieu-là, puis il y a des choses là-dedans qui sont aberrantes. Aberrantes. Des gens extrêmement naïfs, impressionnables, qui embarquent dans toutes sortes de petites conneries. Ayant rien à vendre, ayant jamais demandé une scène à personne, puis même elle l'ayant subi, jeune, dans le fond, par la mère de mon père, qui d'ailleurs, comme je dis, il y a eu à un moment donné un conflit, avec Bernard de Montréal, puis bon, aussi ayant eu des échanges avec des séminaristes, plusieurs séminaristes, puis bon, sont pas. Oui, quand il y en a qui sont moins naïfs que la moyenne, oui, il y en a. Mais c'est pas la majorité. La majorité des gens qui écoutent Bernard de Montréal sont naïfs, puis c'est du monde impressionnable qui ont tendance à embarquer dans toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires, puis. C'est un milieu que je déteste. Ben franchement, les gens qui écoutent Bernard de Montréal, c'est en moyenne des gens qui ont des traits de caractère que j'ai, qui me font que je suis impatient. C'est souvent du monde qui sans s'en rendre compte, sont très versés dans le nouvel âge que je déteste pour vrai, là. C'est pas à cause de la frustration. c'est pas ça me manquerisse. Ça me manquerisse parce que tabarnak, c'est niaiseux à un moment donné. Il y a des affaires que c'est carrément des hosties de niaiserie. Puis là, il y a quelqu'un sur, bon, quelqu'un ben, que je classe pas à travers comme ces deux-là, là, que j'ai déjà barré sur ma chaîne, puis ils peuvent pas s'empêcher de venir, bon, ils sont pas contents. Hein? Bon, il y a une autre personne qui demandait, ouais, mais rester des heures assis devant des plantes ou des aquariums, est-ce que c'est pas une forme de méditation? Non. Non, dans mon cas, c'est réellement un état, entre autres, d'étude. C'est en regardant la feuille d'un arbre que j'ai compris pourquoi l'arbre pulmonaire avait les brachioles, avait la forme qu'elles ont, puis bon, un paquet d'autres choses aussi. Donc, à mes yeux, c'est toujours actif, il y a toujours une étude dans ce que j'observe. Donc, oui, je suis quelqu'un de contemplatif, mais je ne suis pas quelqu'un de méditatif. Puis, aussi, bon, je vais être porté à. Il y a des choses que, au niveau de mon opinion et de ma personnalité, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un profond dédain. Un profond dédain. Il y avait un empereur, là, Li Chanwu. Ou, c'est quoi, donc? Li Chanwu Tang, me semble qu'il s'appelait. Me semble qu'il est mort, lui, vers 846. Dans ces eaux-là. Il me semble qu'il avait autour de 31 ans. Oh, dingue. Puis lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de persécuter le bouddhisme en Chine. Bon, c'était un fanatique taoïste. Puis, mais pourquoi il faisait ça? Pourquoi il avait fait ça? C'était parce que les gens quittaient leur famille, quittaient les champs, entraient dans des monastères, passer leur journée en méditation. L'économie du pays est en train de tomber. Disons qu'il y avait des raisons en tant que gouvernant de vouloir persécuter le bouddhisme qui venait pas de Chine, qui venait d'Inde. Lui, c'est un taoïste, puis il voulait mettre de l'avant le confucianisme puis le taoïsme. Qui ont une vision plus. C'est très différent. C'était surtout à cette époque-là, avant que ça se fonde plus tard. Mais c'est parce que ça brisait des familles, carrément. Il y a des gens qui quittaient leur famille, ils rentraient dans des... Bon, ils devenaient, si on peut dire, inactifs. OK? Au niveau de la société. Puis, il a fait des persécutions. Puis, finalement, bon, un début, c'était de que les gens retournent dans un mode de vie où ils paieraient des impôts pour pouvoir continuer à entretenir les chemins, puis des infrastructures, puis développer le pays. Parce que ça nuisait réellement. Il y a eu un engouement pour le bouddhisme à son époque, puis des jeunes gens devenaient extrêmement passifs, puis bon, le monde hein, retourner dans le nirvana, le monde de la mort devenait plus important que la vie, là. Puis c'était en train de détruire jusqu'à un certain point, ça nuisait. Ça nuisait à l'économie, ça nuisait à la structure sociale, ça nuisait. C'est un petit peu un combat contre l'astral, ce qu'il a fait, si on peut dire, à son échelle, à lui. Puis bon, mais comme on finit souvent par se faire avoir pareil par l'astral, même quand on combat contre lui, lui, il est mort. La vieille promesse luciférienne d'immortalité, c'est par ça qu'il s'est fait avoir. Puis, possiblement que c'est en buvant des élixirs pour s'immortaliser, qui contenaient toutes sortes de choses toxiques, qu'il est mort, parce qu'il est mort assez jeune, à 31 ans. Probablement en buvant un élixir qui contenait du cinabre. Le cinabre, qui est un minéral rouge vif, qui c'est du sulfure de mercure dans le fond, puis probablement qu'il est mort empoisonné comme ça. Puis, bon, souvent ces forces-là sont gagnent, souvent. Donc, l'empereur qu'il y a eu après lui, lui a fait un décret où il a permis aux bouddhistes de se répandre, puis à ces choses-là de se répandre. Puis bon, comme de fait, il y a eu un ralentissement du développement du pays. Il y a eu un... Donc, il y a des raisons de la colère, je pense l'avoir expliqué. Mais bon, pourquoi je prends pas ça autant? Oui, je peux être en colère sur le coup. De toute façon, je l'ai expliqué le plus que je pouvais par rapport à David, de pas se fier aux apparences. Parce qu'au fond, je m'en fous. C'est pas pour rien que je m'en souviens même plus, là. Comme la dame, là, que je voyais son commentaire en ce moment. Je m'en souviens même plus, la teneur des discussions. Parce que, dans le fond, je m'en fous. Mais je me souviens de la vibration, par contre. Puis, connaissant certaines choses, bon, c'est évident qu'il allait revenir pour picosser. Puis, dans le fond, quand j'ai lu ça, j'ai dit, faudrait bien que je réponde pareil. Puis, ça me disait, non, pas répondre. Puis, bon, comme je suis porté même à contester même moi-même, hein, j'ai dit, je vais répondre pareil. C'est l'occasion de parler de certaines choses. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, ça va. Vous allez le voir que ça va se répandre. C'est pas parce que je tiens à avoir raison, je préférerais avoir tort. Mais là, c'est le marché aux puces qui continue, puis les gens sont naïfs. Ils veulent croire. Donc, moi, je vous le dis, les pratiques de méditation, c'est des activités de compensation. Puis, pourquoi est-ce que le marché du mieux-être est tellement grand puis qu'il se développe tellement, c'est parce que les gens sont malheureux. L'affaire, c'est pas que je tiens à avoir raison. L'affaire, c'est que, observez-le, ça, vous le voyez pas. Les gens sont de plus en plus malheureux. C'est pour ça que le nouvel âge se répand puis qu'il change de forme, même. Comme les affaires de chambre à tachyon, c'est vendu comme une alternative au nouvel âge, comme si ça n'en était pas. Tout ça, c'est de l'autosuggestion. C'est-à-dire que, bon, dans le fond, c'est de l'auto-hypnose qu'on vend en changeant les formes. Puis oui, ça a un effet. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est toujours à recommencer. C'est de la spiritualité. Puis même Bernard, souvent, c'était de la spiritualité. Parce que là, si on se met à croire qu'il y a des élus qui vont être conduits par des delphinoïdes dans des centres sous-marins, puis par des yétis dans des centres de l'Himalaya, puis quand quelqu'un comme Bernard de Montréal, qui était très sensible, puis qui était entre autres au niveau de l'environnement, puis des influences qu'il y avait autour de lui, se met à avoir des discours comme ça, qu'en parlant librement, il faut comprendre que c'est pas pour rien qu'il disait de pas le croire, parce que lui-même, je suis persuadé qu'il savait qu'il y en avait de la désinformation qui passait par sa parole, puis c'est une autre époque. C'est une autre époque. Moi, ce que je vous dis, c'est il faut être moins naïf un peu. Hein? C'est tout. C'est tout. Puis, je suis bien moins en colère que lui pouvait l'être, jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que je suis, jusqu'à un certain point, un petit peu plus détaché. Un petit peu plus détaché. Moi, à mes yeux, c'est comme je pourrais jamais tomber dans des pièges comme l'empereur de que je parlais, que lui est mort en voulant s'immortaliser. Parce que, jusqu'à un certain point, c'est un petit peu comme si j'étais déjà plus là. Hein? J'ai pas l'instinct de préservation tant que d'autres l'ont. Puis même jusqu'à un certain point, les choses étant ce qu'elles sont, d'après moi, il y a beaucoup de monde qui m'écoute, qui ne seront plus là dans. Puis moi, ben, je vais être encore là. Je vais être encore là. C'est paradoxal. C'est paradoxal parce que de l'instinct de préservation, à part technique, j'en ai pas beaucoup. Je veux dire, au sens où je n'ai pas de crainte, par exemple, de peur, panique, de la mort, comme je la vois chez beaucoup de gens. Je prends plus ou moins soin de ma santé, pourtant, je suis très, très, très rarement malade. Ben, tu sais, je veux dire, je fais pas exprès non plus. Mais pourtant, j'ai eu des modes de vie que pourtant je semble vieillir anormalement lentement. C'est inexplicable. En tout cas pour moi, j'ai bien de la misère à le comprendre. J'ai affaire à des gens, souvent, qui vont me confronter que ils ont l'air de vieillir vite. Ils ont l'air de. Je le vois juste. Juste la façon d'écrire. Des fois, je trouve ça décourageant, les lire. Parce que là, bon, c'est pas si compliqué que ça, me semble. C'est pas des règles tellement compliquées à assimiler. Puis bon, il y a du monde. Je suis désolé de dire ça, mais ils sont niaiseux. Ils sont pas vite. Puis c'est de valeur. Puis c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas pour être insultant non plus, mais c'est parce que c'est inquiétant. Parce que c'est conséquent, hein? Le réel, puis la façon dont on réagit, dont on agit, dont. En tout cas. Mais bon, comme là, aujourd'hui, j'ai appris quelqu'un que je connais, il vient d'être retrouvé mort dans son lit. 47 ans seulement. 47 ans seulement, puis mais qui avait l'air plus vieux que ça, là, c'est vrai. Puis, on vient fatigué de voir les gens. Là, ils parlent comme si j'étais frustré. Quoi, ça vous frustre pas, vous, de vivre dans une société où les écoles rendent ignorants, où les hôpitaux rendent malades, où le système de justice est malhonnête? J'ai pas de la frustration. La frustration, si vous regardez la définition, c'est quand un besoin n'est pas comblé. C'est pas un besoin pour vous de vivre d'une façon intelligente et harmonieuse. On est sur une planète où il y a des forces qui font en sorte que c'est totalement impossible. C'est-à-dire que si vous vivez intelligemment, ça va tout le temps être en réaction à l'inintelligence du collectif. Puis ces forces-là, on dirait que c'est pour que l'individu se développe. Le forcer. Faut il faut qu'il soit forcé, l'individu, à se développer. Puis pour ça, ben, il est mis en mouvement, si on peut dire. Il est mis en expérience. C'est ça, l'expérimental. Pourtant, il me semble que j'ai été quand même clair. Des fois, être ajusté par rapport à une. Ma tante niaiseuse, des fois, c'est de l'envoyer promener puis de couper ça là. De la même façon que des fois, elle est ajustée à du monde que finalement, ils confondent le sujet. Puis, bon, finalement, c'est parce que c'est pas constructif. Moi, je peux rien faire avec ça. Je fais mon possible. Mais je suis pas. J'ai un gros défaut. Bernard de Montréal, c'était quelqu'un d'extrêmement, comment je pourrais dire ça? Il était très courtois. Il y avait quelque chose de. Il faisait attention. Je veux dire, c'est quelqu'un, bon, c'était pas une personnalité comme moi. Il semblerait que ça avait une certaine importance pour Bernard de Montréal, la perception que le public avait de lui, puisque les gens pensaient de lui, puis il a tout le temps agi en monsieur. Il a tout le temps eu une certaine classe quand même, puis j'ai pas une personnalité comme ça. Je suis pas capable, comme des fois, ça se peut que, bon, je peux être déplacé, ça peut arriver, puis en quoi est-ce que ce serait pas ajusté parfois? Des fois, un esti de cave, c'est un esti de cave. Bon, je le sais souvent intérieurement, ça me dit, il faut juste couper, puis réagis pas, dis rien. Mais je suis pas juste une personne, j'ai une personnalité aussi. C'est comme ça. Puis bon, j'ai moins de classe un petit peu que d'autres. Puis bon, mais Bernard de Montréal, il y avait de quoi à vendre. Puis moi, c'est pas le cas. Bernard de Montréal, on dirait que c'est important au niveau de son mandat, entre guillemets, c'est important la perception que le public avait de lui. Puis je pense que maintenant, on est à d'autres temps. C'est un autre temps. Puis personnellement, des fois, même, je crois même pas, je suis même pas sûr d'avoir un mandat, je suis pas certain. Pourquoi? Parce que je crois même pas mon propre contact. Puis j'ai une certitude de ma conscience, mais pas nécessairement de mon intelligence. Pourquoi? Parce que j'ai une humeur volatile. J'ai une humeur volatile, mais bon, au moins je peux retourner des fois à un état plus stable. Puis bon, je reviens tout le temps, c'est comme si je reviens tout le temps à mon centre pareil. Puis au fond, je me rends compte que je ne l'avais jamais quitté au fond. Puis ça me permet comme ça d'effectuer un tri. Le problème, c'est pas que ce que je trie, je viens pas à bout de le trier, c'est que ce qui est trié revient ou cherche à revenir, puis c'est plus fort qu'eux autres. C'est plus fort qu'eux autres. Ce qui va arriver, c'est pas de ma faute. Ce que vous allez vivre, c'est pas de ma faute non plus. Puis, bon, tout ça, c'est pas de ma faute, là. Donc, il y en a, oui, vous allez être en initiation, puis ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix, voyons. Mais là, faut pas revenir contre moi. C'est pas de ma faute. L'affaire, c'est pas que j'ai tort ou raison. Mais bon, puis ça m'est arrivé des fois de me tromper au niveau de ma personnalité. Des fois, je me trompe. Puis David, depuis des années, c'est arrivé que je me trompe carrément. Puis je l'admettais, comme j'étais persuadé que par exemple, Donald Trump, son travail, c'était de faire élire Hillary Clinton. Puis quand il était élu, je l'ai admis que je m'étais trompé. Là, je suis obligé de prendre un exemple un petit peu vieux, là, qui remonte à loin. Mais je me suis pas fait avoir, par contre, par rapport à ça. Dans le sens que peut-être qu'il est sincère, Trump. Mais je suis sûr que c'est un épais pareil. Puis je le sais que ça choque que je dise ça. Mais moi aussi, je suis un épais. Ça, j'ai ma propre vie en exemple au niveau des résultats. Puis j'ai sacrifié beaucoup de choses par principe. Puis quand je le regarde avec le recul, des fois, je me dis, c'était peut-être pas si intelligent que ça. Dans le fond, si j'avais une intelligence froide, comme il est dit là, ben, ça ferait de moi un psychopathe, ça ferait de moi quelqu'un de machinal, quelqu'un d'inhumain. Puis au fil des années, je m'humanise. Dans le fond, je remarque ça, puis bon, c'est peut-être que je vieillis aussi, je suis peut-être plus sensible aussi, mais je suis pas si émotif que ça. Dans le sens que, oui, j'ai de l'émotivité, mais c'est pas ça qui me mène tant que ça, c'est quelque chose de périphérique à ma conscience. Donc, des fois, oui, je peux être émotif, ça m'arrive, des fois, je suis en crise pour vrai. C'est sûr que ça me met en colère quand je vois tout ça, ces hosties de bébelles, les bébelles quantiques, puis les patentes de tachyonique, puis les formations de ci pis de ça, puis les gugus qui nous ramènent le tarot, puis des affaires de même. C'est sûr que ça m'enrage. Ça m'enrage parce que ces affaires-là, je vois ça comme encombrant. Je vois ça comme encombrant. À un moment donné, il faut retourner à l'essentiel, il faut

depuis la fin du 19e siècle. Trouvez-vous que les gens qui sont dans ces choses-là, nouvel âge, sont de plus en plus heureux, puis qu'ils sont de plus en plus en santé? Les gens là, qui sont dans des pratiques de santé, de ci, puis de ça, j'en ai connu beaucoup, puis je les trouve fragiles sur tous les plans. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que faut que je dise le contraire de ce que je perçois puis de ce que je pense pour épargner les sensibilités? Parce qu'il y a des gens qui s'identifient à puis qui se sentent attaqués par? Pas du tout. Si ça apporte quelque chose que je dis, tant mieux. Puis si ça vous apporte rien, tant pis. Ça m'appartient pas. Hein? Pas concerné par l'expérimental qui est extérieur, tant que ça. Puis je suis quand même assez éthique. Je fais quand même attention, puis je tiens compte des conséquences. Mais là, l'autre, ma tante chose, là, non, là, pas une valeur, là, mais ça m'impressionne pas. Puis l'autre non plus, là. Je vous ai barré, c'est pas pour rien. Puis je vais être bien franc, je vous trouve tata. Dans le sens, je vous trouve niaiseux. Désolé. Ça veut pas dire que vous êtes méchant, vous êtes pas correct, là. Mais, c'est pas à vous autres que je m'adresse. Bon. Puis si vous vous ébarrez, c'est pas que vous me faites perdre mon temps. Mais, vous pouvez pas vous empêcher de. Mais c'est correct. C'est correct. Il y en a qui pourraient dire que j'agis de la même façon avec d'autres. Ben oui, mais il y en a qu'eux autres, ils vendent, puis il y a quelque chose de mercantile, tu sais, bon. Fait que je me permets, oui. Oui, je me permets, puis ça me gêne pas du tout. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.